Radiomatique. Thank you. amorcer la transmission 5-2-8 de Dumatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le projet torontois Trust de son quatrième album intitulé Performance, qui a été lancé le 13 septembre 2024. Nous écoutions la pièce Warp. Allons-y maintenant sur la musique de David Bowie. Thank you. Audiomatic, cette séquence musicale se terminait avec la formation italienne Curlian Camera du mini-album homonyme paru en 1981. Nous écoutions la composition Autumn Room. Ce mini-album est également regroupé sur la compilation Uno avec le démo de Curlian Camera intitulé Dawn. Auparavant, nous écoutions l'artiste britannique Daniel Dax et sa composition Sleep Has No Property du troisième album Inky Bloaters paru en 1987. Et pour amorcer la séquence, c'était David Bowie et sa pièce Sound and Vision tirée de l'album Low sorti en 1977. Poursuivons maintenant avec le projet québécois Handful of Snowdrops.

À Audiomatic, cette séquence de deux pièces se concluait sur la musique de la formation Trance to the Sun, de qui nous écoutions la composition Secret Police, tirée de l'album compilation de Blue Obscurities. Celui-ci regroupe des pièces laissées de côté lors de la composition des albums Your Chin Tears Soda et Atrocious Virgin, ainsi que des pièces réalisées pour diverses compilations. Et avant Trance to the Sun, c'était le projet Handful of Snowdrops et sa composition In Fall, apparaissant sur la toute nouvelle parution en format numérique Any Moment Now, d'ailleurs disponible sur son profil Bandcamp, handfulofsnowdrops.bandcamp.com. En conclusion de cette transmission 528 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le mystérieux projet anglais Craven Falls. De son deuxième album studio sorti en 2023 et intitulé Standards, nous entendrons la pièce Sun Vein Strings. Les sonoristes vous invitent à écouter la transmission 529 d'Audiomatic, qui aura lieu en direct le mercredi 8 janvier 2025 dès 17h, à la suite d'une ellipse provoquée par les festivités des deux prochaines semaines. Entre-temps, si vous êtes en manque de musique, vous pouvez toujours creuser dans nos archives numériques pour découvrir ou redécouvrir nos choix musicaux. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc le projet Craven Faults et la pièce Sun Vein Strings. C'était Audiomatic avec les sonoristes.